les tests de l'esprit. Alors, dans l'existence de l'individu, il y a certains événements auxquels il est exposé qui sont le résultat d'une programmation qui provient du plan de l'esprit ou du plan astral. Mais si l'esprit laisse arriver des événements qui proviennent du plan astral sans intervenir, donc si l'esprit a une attitude de laisser aller, c'est parce qu'implicitement, il permet à ce que ces événements arrivent par rapport à sa contrepartie terrestre, c'est-à-dire l'âme qui incarne le corps physique auquel il est lié. Donc, autrement dit, l'esprit, c'est la contrepartie cosmique de l'individu qui va chercher à amener ce dernier à évoluer, qu'il le veuille ou non. Et le but de l'esprit, c'est d'amener l'être humain à rehausser son taux vibratoire pour qu'éventuellement l'être humain ait un taux vibratoire qui soit égal au sien et comme ça arriver à avoir un état d'unification psychique avec lui, c'est-à-dire de connaître un processus de fusion qui est complété. Et pour en venir à ce stade d'évolution, l'esprit va mettre sur la vie de l'individu des événements propices à l'amener à changer de taux vibratoire et à maturer sur le plan psychique. Et ce sont des tests de vie. Il y en a à différents niveaux. Et la fonction, entre autres, des tests de vie, c'est de permettre à l'esprit de regarder comment que l'être humain compose avec l'événement pour voir si l'être humain est capable de faire preuve de discernement, voir si l'être humain, à l'égard d'un événement oppositionnel, par exemple, va avoir tendance à se réfléchir, va avoir tendance à se sentir victime, impuissant. Donc, si l'événement va faire ressortir des failles dans l'ego de l'individu en voie d'évolution. Donc, amener des tests de vie, ça peut servir à faire voir la solidité de l'individu et son jugement, son discernement pour être capable de composer avec certains événements. Puis voir en termes de structure énergétique qu'est l'âme, comment qu'elle va réagir face à l'événement, si elle va être stable. Donc, les tests de l'esprit ont plusieurs fonctions, mais c'est sûr que fondamentalement, l'esprit regarde comment que l'individu compose avec ses tests pour voir comment réajuster le tir par la suite pour favoriser son évolution, puis la finalité de tous les tests qui peuvent être faits et des événements auxquels l'individu est exposé, c'est bien sûr de finaliser le processus de la fusion. Les tests de vie sont imposés, dans certains cas, par l'esprit pour favoriser l'évolution de l'individu, parce que si l'individu n'est pas confronté à des tests, il n'aura pas tendance à évoluer par lui-même. Donc l'âme, sans avoir une programmation qui favoriserait son rehaussement vibratoire, pourrait avoir tendance, étant donné la force des sens physiques et de l'attrait de la matière sur elle, à rester dans un état de stagnation psychique, étant donné que l'âme, lorsqu'elle n'est pas harmonisée avec l'esprit, elle n'a pas tendance à se corriger par elle-même. C'est la conscience de l'esprit qui descend en l'âme qui va amener la personne, par exemple, à s'auto-gérer davantage et à apporter des correctifs à son existence dans une optique d'autorégulation vibratoire, puis d'une maturation psychique qui va s'opérer à mesure que la personne intègre l'énergie de l'esprit, puis plus qu'elle devient mature, puis plus qu'elle raffine ses agissements, et ainsi de suite. Mais l'âme seule, sans bénéficier du support de l'intégration d'énergie de l'esprit pour la dynamiser, va avoir tendance à rester stable et reproduire les mêmes comportements en s'appuyant sur des mémoires, étant donné que l'âme, lorsqu'elle n'est pas couplée à l'énergie de l'esprit, elle n'a aucune possibilité de renouvellement créatif et c'est l'être intégral qui sera le résultat du mariage de l'âme et de l'esprit qui pourra se renouveler psychiquement d'une manière perpétuelle. Mais pour en revenir aux tests de l'esprit, pour amener ça dans du concret, c'est que, par exemple, un être humain qui ne l'a pas choisi est conducteur automobile, à un moment donné, il roule et puis il se fait rentrer dans la partie arrière de son véhicule par un autre automobiliste. Donc, il subit un accident alors qu'il ne l'a pas provoqué. Donc, si la personne ne fait pas d'excès de vitesse, là, mais roule à une vitesse régulière sur la route, il n'y a pas de négligence de sa part. Puis là, la personne est confrontée à un accident d'automobile. Puis là, quelques jours après, à un autre accident d'automobile qu'elle n'a pas provoqué consciemment, qu'elle n'a pas cherché en tant qu'ego à générer. Donc, la personne n'est pas suicidaire. Elle ne cherche pas à heurter un poteau qui est situé sur le côté de la route. Elle ne cherche pas à faire une piste de course de la route en allant très vite. Non. Elle cherche tout simplement à être en voyagement, par exemple, puis à se rendre au travail, des choses extrêmement banales. Puis là, si la personne est confrontée, bon, un accident, puis deux de suite, là, dans un délai très, très, très rapproché, la personne peut regarder vibratoirement qu'est-ce qui se passe. Puis elle peut entrer en contact télépathique avec l'esprit pour voir pourquoi qu'elle vit ces événements-là. Puis ça peut y répondre intérieurement que l'esprit cherche à avoir sa stabilité psychique par rapport à l'adversité. Parce qu'après tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intégration de l'énergie de l'esprit pour l'âme, ayant un taux vibratoire différent de lui, c'est de l'adversité. Donc, autrement dit, si quelqu'un est capable d'être confronté dans un délai très rapproché à deux accidents d'automobile, puis rester intact sur le plan psychique, c'est-à-dire pas sombrer dans la peur, pas sombrer dans l'émotivité réactionnelle, la culpabilité, alors que la personne n'a rien fait pour provoquer ça, dans la tristesse, dans l'impuissance, et ainsi de suite. Si la personne est capable de rester stable en dépit de l'événement, qui peut être difficile à vivre, ben, ça donne une mesure à quel point que l'être humain peut être stable pour faire face à une plus grande intégration de l'énergie de l'esprit qui, en tant que tel, génère un choc, un peu comme le choc vécu sur le plan physique lié aux accidents. Donc, autrement dit, la personne, lorsqu'elle est confrontée à un événement significatif dans son existence, je ne parle pas ici d'aller acheter une gomme là, au dépanneur ou au supermarché, quelque chose qui a peu de valeur, mais quelque chose de significatif, la personne peut vérifier intérieurement, entrer en contact avec l'esprit pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, ça peut dire que l'événement a été orchestré pour évaluer, par exemple, sa stabilité psychique, et ainsi de suite, pour voir à quel point il est centrique, puis est capable de se relever en dépit de ça. Donc, ça peut dire différentes choses selon ce qu'elle a à vivre, et c'est du cas par cas. Et c'est pas parce qu'une personne, ça a dit telle chose suite à un accident d'automobile que c'est la même chose qui s'applique pour tous les accidents d'automobile. Non, c'est du cas par cas. Puis pour chacun d'entre eux, pour avoir une mesure de qu'est-ce qui se passe, il faut faire une lecture vibratoire. Et là, la personne peut réaliser des choses, comme par exemple, l'esprit a laissé volontairement une entité astrale, donc une personne sous influence astrale, heurter le véhicule de sa contrepartie terrestre pour voir comment que lui va réagir. Donc, l'individu qui vit sur le plan physique, qui est la contrepartie terrestre de l'esprit, est étudié par lui. Parce que l'esprit cherche à descendre à l'intérieur de lui, puis là, il observe comment il compose à l'événement. Parce que l'événement amène l'individu à intégrer des charges d'énergie, puis lui-même, c'est une charge d'énergie qui doit être intégrée éventuellement par l'âme. Donc, si la personne est capable d'intégrer la charge d'énergie, par exemple, que représentent deux accidents d'automobile dans une courte période de temps, puis être intacte psychiquement, c'est parce que la personne a une grande capacité de contenance. Et si la personne est capable de contenir cette énergie-là, donc l'absorber, ça veut dire que potentiellement, elle est capable également d'absorber l'énergie de l'esprit. Puis le but, c'est que l'être humain soit capable d'absorber cette énergie-là pour qu'il y ait l'unification psychique, donc la fusion qui s'opère, étant l'amalgame de l'âme et de l'esprit. Mais le danger par rapport à la notion de test de l'esprit, c'est la surinterprétation psychologique et subjective qui peut s'y rapporter. Dans le sens qu'il y a des choses de la vie qui ne sont pas voulues par l'esprit et qui n'ont aucun rapport avec des tests. Donc, si par exemple quelqu'un, lorsqu'il connaît le processus normal du vieillissement, commence à avoir des cheveux blancs qui apparaissent ou des poils de barbe blancs, ben, si c'est un homme, la personne ne doit pas interpréter ça comme étant un test de l'esprit. Parce que l'esprit, fondamentalement, bon, c'est sûr qu'il a choisi la programmation de l'individu sur le plan physique, mais c'est pas lui qui va dire du jour au lendemain, « Ah, Demain matin, tu vas avoir un poil blanc qui va apparaître dans ta barbe et que tu vas voir lorsque tu vas te raser la barbe. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il y a une programmation biologique qui est là et ça fait partie inhérente du processus normal du vieillissement du corps physique. Donc, ça, c'est pas nécessairement un test. Par contre, l'esprit va observer à tout moment comment sa contrepartie terrestre réagit à l'égard de l'événement pour évaluer sa stabilité psychique et sa capacité de centricité. Ça, c'est sûr. Donc, autrement dit, si la personne est confrontée à des difficultés inhérentes au processus du vieillissement, comme par exemple avoir une qualité de la vision qui diminue, ensuite une diminution de la masse musculaire, diminution de l'odorat, la capacité de goûter notamment les aliments avec le temps. Donc, ces choses-là, si ça s'inscrit dans le cadre normal du vieillissement, l'esprit va regarder comment que l'être humain compose avec ça, mais c'est pas lui volontairement que du jour au lendemain va chercher à provoquer ça. Donc, d'où l'importance de ne pas surinterpréter l'événementiel comme étant systématiquement des tests, puis de vérifier intérieurement lorsque la personne est confrontée à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Puis quelle est la fonction de cet événement-là dans la vie de l'individu? Donc, si quelqu'un, par exemple, vit des ruptures amoureuses à répétition dans un court laps de temps ou vit des événements qui peuvent être aussi, entre guillemets, agréables, comme par exemple la personne hérite d'un montant d'argent important dans des délais de temps rapprochés, ben, la personne a regardé avec l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Parce que autant la personne peut être testée en fonction d'événements qu'elle juge comme étant négatifs, une rupture amoureuse, autant elle peut être testée aussi par rapport à des événements positifs, avoir des gains d'argent. Donc, si la personne vit des situations qui sont particulières, donc la personne, par exemple, trouve l'argent par hasard, elle reçoit de l'argent de membres de la famille, il y a un paquet d'opportunités derrière qui se présentent à elle tout d'un coup pour avoir de l'argent. Même chose au niveau professionnel. La personne, ça peut faire un an qu'elle cherche à obtenir un emploi, puis elle va porter des curriculum vitae à différents endroits. Il n'y a rien qui débouche. Puis à un moment donné, sans trop savoir pourquoi, il y a trois employeurs qui l'appellent dans un délai rapproché pour lui offrir du travail. C'est comme si l'esprit va mettre en vibration, en fait, ça peut arriver, l'esprit met en vibration différents employeurs que, ah, il envoie, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain reçoit des pensées qui proviennent des différents esprits, puis les différents esprits sont en contact entre eux, parce que tout est interrelié dans l'univers. Donc, autrement dit, la contrepartie de l'individu peut mettre en vibration, puis acheminer à trois employeurs différents l'idée simultanément d'embaucher sa contrepartie terrestre, parce que l'esprit juge que c'est le temps que la personne travaille. Donc, les valves ouvrent. Puis là, la personne peut regarder derrière ce débouché inattendu, parce que ça faisait un an qu'elle poiretait puis ça fonctionnait pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, la personne, ça peut y répondre intérieurement qu'elle a à être testée pour voir son discernement par rapport aux trois opportunités qui lui sont présentées en termes de choix de carrière, puis derrière chaque individu, donc chaque employeur qui lui offre du travail, ils ont chacun un taux vibratoire différent. Puis là, l'esprit essaie de voir si la personne va faire la lecture de la vibration des différents employeurs pour aller à l'endroit optimal. Donc, si l'être humain va suivre la vibration, parce que l'esprit va tester l'être humain pour voir s'il suit la vibration, même chose au niveau du couple. Quelqu'un, ça peut faire des années, ça peut faire 2, 3 ans qu'il est célibataire, qu'il cherche à rencontrer une compagne ou un compagnon, peu importe, que ce soit un homme ou une femme, et puis il n'y a rien qui débouche. Puis à un moment donné, ben, la personne se désintéresse, puis sans trop savoir pourquoi, du jour au lendemain, elle avait mis des annonces sur Internet, là, elle reçoit plein de messages sur Internet de partenaires potentiels. Là, elle a l'embarras du choix. Puis là, il y a différentes apparences physiques, différents aussi de psychologie. Puis là, la personne, elle peut être mise en vibration par rapport à une personne à différence de d'autres. Puis là, l'esprit va regarder comment que la personne compose à l'égard de l'événement pour voir son niveau de discernement. Donc, la personne peut être évaluée à différents niveaux. Les tests de l'esprit, ce qui est remarquable, c'est que c'est des événements qui sont orchestrés sans que l'individu eût agir par rapport à eux. C'est plus des éléments qui sont subis, là. C'est sûr que si, par exemple, quelqu'un va s'entraîner au gym, puis là, la personne, elle se démène, elle soulève beaucoup de poids et haltère en peu de temps, puis là, elle vit des douleurs musculaires suite à ça, puis là, elle dit « Ah, c'est un test de l'esprit ». Non, c'est elle-même, en tant qu'ego, qui l'a provoqué. Donc, autrement dit, c'est pas pareil, là. Si la personne provoque un événement en se surentraînant physiquement, puis là, elle dit que c'est l'esprit qui le teste, ou la personne, pendant 30 ans, elle fume la cigarette, alors que ça dit intérieurement pas de fumer, puis elle se ramasse avec le cancer, puis là, elle dit « Ah, c'est l'esprit qui me teste avec le cancer ». Ça, c'est la surinterprétation. Le cancer, dans ce cas, est tout simplement le résultat de l'agissement individuel. Par contre, si la personne ne fait rien de spécial, puis du jour au lendemain, est empoisonnée par un produit toxique qu'elle mange sans l'avoir choisi, elle va au restaurant comme d'habitude, puis elle développe, dans un délai rapproché, des problèmes de santé extrêmement graves, sans qu'elle l'ait cherché volontairement en tant qu'ego, bien là, c'est parce que c'est l'esprit qui va créer des événements oppositionnels, là. Donc, derrière chacun des événements oppositionnels qui sont générés dans la vie de l'individu étant le résultat de l'action de l'esprit ou de son inaction par rapport à des forces astrales opérantes, dans le sens que si, par exemple, la personne va au restaurant puis l'esprit sait très bien que la personne qui fait la cuisine a peu ou pas d'hygiène corporelle, donc la personne peut transmettre la grippe de la maladie lorsqu'elle prépare la nourriture, l'esprit sachant cela que sa contrepartie terrestre va ingérer la nourriture infectée par la suite et n'intervient pas vibratoirement pour lui dire « ben mange pas ça, tu vas être malade ». Si la personne n'a pas la petite voix intérieure qui dit de pas manger ça, c'est parce que l'esprit le laisse faire. Puis là, à ce moment-là, la personne est malade. Puis là, quand elle est malade chez elle et elle a la diarrhée, parce qu'elle est intoxiquée sur le plan alimentaire, puis elle se met à vomir, elle peut regarder avec l'esprit « pourquoi que je vis ça? » Puis ça peut dire intérieurement que « toi, à t'arrêter, tu bouges trop, là, tu vas prendre un break, puis tu vas m'écouter. Tu vas prendre une pause, puis tu vas entendre ce que j'ai à dire. » Donc, ça peut être ça. Donc, l'ego est trop agité, puis l'esprit cherche à lui dire intérieurement de se calmer, puis la personne ne comprend pas. Ben, la personne peut s'exposer à un événement oppositionnel. Je pense entre autres à quelqu'un que je connais qui, lors de l'automne dernier, a eu une blessure qui a fait en sorte qu'il a eu de la difficulté à marcher et qu'il devait utiliser une béquille. Puis lui, il est habitué tout le temps de bouger, puis d'être actif, puis il n'arrête pas. Donc là, il était dans une situation où il devait prendre du temps plus pour s'intérioriser. Parce que c'est sûr que l'esprit, si la personne n'est pas intériorisée et elle doit vivre un processus de développement psychique, l'esprit va amener la personne à s'intérioriser, c'est-à-dire à avoir un état où ce qu'elle va connaître une privation sensorielle à l'égard de l'environnement, donc arrêter d'être dans le feu de l'action en faisant du sport compétitif, par exemple, pour s'intérioriser, être en contact avec lui. Donc, si la personne est étendue sur un lit parce qu'elle a difficulté à marcher ou qu'elle doit rester assise, ben là, elle est plus propice à écouter son intériorité que si elle passe son temps à jouer au football. Donc, vous voyez la distinction entre les deux. Puis surtout quand les gens commencent à s'intérioriser, ben c'est important qu'il y ait une certaine passivité. D'ailleurs, la privation sensorielle peut favoriser la médiumité et les perceptions extra-psychiques. Parce que la personne, ça lui donne de l'espace pour percevoir les choses. Donc, voilà à quoi peut servir des événements positionnels. Il y a différentes fonctions selon ce que la personne a à développer du point de vue de l'esprit. Mais pour ce qui est des tests de vie qui sont faits, il y a des tests de différents niveaux. Il y a des tests en lien avec des vies antérieures que des individus ont connues. Donc, dans une vie antérieure, par exemple, la personne avait eu accès à beaucoup d'argent, elle a mal géré l'argent, puis elle a gonflé son orgueil avec ça pour dominer les autres. Dans une autre vie, la personne a pour objectif d'avoir accès, encore une fois, à beaucoup d'argent, mais de mieux gérer l'argent. Ça peut être de faire des dons de charité, du bénévolat, puis d'être plus équilibré dans son rapport à autrui. Parce que ultimement, l'esprit va travailler l'individu pour qu'il y ait une relation non seulement horizontalisée avec lui, mais également avec les autres êtres humains. Donc, autrement dit, l'esprit va chercher à amener l'être humain à intégrer le principe de l'amour, en plus de la volonté et de l'intelligence, qui va passer par une attitude de respect intégral par rapport aux autres êtres humains. Parce que, en réalité, l'esprit ne cherchera jamais à ce que l'ego de sa contrepartie terrestre soit surmesuré ou, au contraire, il y ait une faible estime de soi. Donc, il va chercher à ce que la personne ait juste mesure d'elle-même, pas se surévaluer ni se sous-évaluer à l'égard des autres, mais avoir une relation qui est totalement horizontalisée avec autrui, c'est-à-dire que l'être humain ne marchera pas sur les pieds des autres et il ne se laissera pas non plus laisser marcher sur ses pieds. Donc, autrement dit, l'être humain ne domine pas les autres, mais il ne sera surtout pas intéressé à se laisser dominer par eux, d'où l'arrivée d'un équilibre intégral entre l'être humain et son environnement, au niveau relationnel, entre autres. Donc, c'est ce qui est visé par l'esprit. Ça fait partie de son agenda évolutif à l'égard de l'individu. Et si l'individu ne comprend pas avec un événement oppositionnel, ben, il peut en mettre un autre, et ainsi de suite, jusqu'à temps que l'ego soit totalement ajusté avec lui, et c'est sûr que ça peut s'échelonner sur plusieurs incarnations et réincarnations. Parce qu'il y a des gens, là, sur le plan terrestre, qui ne comprennent pas vite. Il y en a qui sont rapides, puis il y en a qui sont plus lents. C'est un petit peu comme les voitures. Il y a des autos de course, puis il y a des autos qui fonctionnent plus lentement. Donc, voilà un petit peu le point auquel le but de cet enregistrement devait en venir, c'est de réaliser que l'être humain est continuellement testé, de ne pas surinterpréter les tests, parce que après tout, l'être humain, pour des raisons de projection subjective et psychologique, pourrait avoir tendance à surinterpréter des événements inhérents à la condition humaine, comme par exemple relative au processus du vieillissement, alors que la nature des tests est vraiment par rapport au fait que l'esprit génère un événement particulier dans la vie de l'individu où il laisse le plan astral générer cet événement-là. Dans le sens que si l'esprit laisse, par exemple, des entités astrales commettre des accidents d'automobile parce que des individus qui sont distraits lorsqu'ils conduisent sous influence d'énergie astrale, puis l'esprit ne cherche pas à amener l'individu à être ailleurs alors que ces gens sont sur une partie de la route, ben, à ce moment-là, il y a un laisser-aller de l'esprit, sachant très bien que les gens sous influence astrale peuvent heurter son véhicule, surtout si c'est des gens qui sont en état d'ébriété alors qu'ils conduisent. Mais tout est arrangé en termes d'événements, dans le sens que l'esprit observe les individus dans l'environnement de sa contrepartie terrestre, puis l'esprit peut intervenir si, par exemple, la vie de sa contrepartie terrestre est en danger en relation avec un événement pour empêcher à ce que l'être humain meure de manière prématurée s'il n'a pas réalisé et atteint les objectifs d'évolution dans son incarnation qui étaient probables d'atteindre, qui étaient visés d'atteindre, devrais-je dire. Donc, autrement dit, si la personne n'a pas atteint son plein potentiel compte tenu de ses capacités et de son infrastructure psychique et du contexte social, ben, l'esprit a intérêt à continuer à amener l'être humain à évoluer dans le cadre d'une incarnation pour qu'il accomplisse tout ce qu'il peut accomplir pour favoriser l'intégration de son énergie qui est la finalité du processus qui se déroule sur plusieurs incarnations et réincarnations. Donc, autrement dit, la finalité de l'expérience dans la matière pour un être en voie d'évolution, c'est la fusion. Et une fois que c'est fait, ben, l'être humain devient à ce moment-là un statut plus élevé qu'être mortel, dans le sens sous influence du processus planétaire de la réincarnation. L'être humain, à ce moment-là, devient un être immortel, dans le sens que la conscience astrale ne peut plus se réincarner dans la matière pour évoluer, parce que l'être humain évolue par lui-même. Donc, il a une autonomie psychique réelle, ce qui fait en sorte que l'être humain passe d'un statut d'être planétaire à un être cosmique. Et à ce moment-là, l'être humain n'est plus testé par l'esprit pour devenir un être cosmique, étant donné qu'il l'est. Par contre, il va évoluer autrement, c'est-à-dire qu'il va évoluer en générant, par exemple, des systèmes de vie nouveaux, en favorisant l'expansion de l'univers, en faisant l'administration de monde en voie d'évolution, et ainsi de suite. Donc, autrement dit, si l'être humain a atteint un certain seuil de maturité psychique en passant à travers de l'initiation planétaire qui vise à ce que l'être humain ait une conscience qui dépasse la condition de la planète Terre pour avoir intégré des différences relatives à l'expérimentation qui consiste à être au monde à travers un corps dans la matière, bien, à ce moment-là, l'être humain va passer à un statut d'évolution différent. Mais pour en revenir aux tests initiatiques qui proviennent de l'esprit, ces tests-là ont comme visée, bien entendu, l'évolution de l'individu et ils vont avoir cours tant et aussi longtemps que l'être humain n'égalise pas la vibration de l'esprit. Puis une fois ce processus de développement qui est engendré par une contrepartie cosmique qui est plus intelligente que l'être humain, puis l'être humain qui est appelé à monter en intelligence pour égaliser celle de l'esprit est fait, ben à ce moment-là, l'être humain entame une autre phase de son développement qui est différente. C'est-à-dire, en tant qu'être intégral, l'être humain peut continuer à développer son intelligence, mais là, on entre dans un autre cycle d'évolution, ce qui n'est pas le sujet de cet enregistrement. L'essentiel de l'enregistrement, c'est d'amener à réaliser que l'être humain est soumis à des tests ou va vivre des événements inhérents à la vie, comme le processus de vieillissement, mais il est tout le temps observé par rapport à son état psychique pour voir si son mental reste intact, s'il reste cohérent dans sa psyché, s'il reste dans un état en harmonie avec la conscience vibratoire où il est décentré puis sous influence astrale. Si, dans le fond, l'être humain est capable d'être stable psychiquement, peu importe l'événement, plutôt que de vivre la réactivité émotionnelle s'y rapportant. Et lorsque l'être humain est capable d'être stable psychiquement par rapport à l'événement, il développe une très grande capacité de contenance, ce qui permet en réalité d'avoir une communication qui est claire avec l'esprit sans qu'il y ait d'interférences liées à l'émotivation des événements auxquels il est confronté, qui l'amène à décrocher psychiquement de son contact avec l'esprit pour se rattacher à ce moment-là d'une manière impulsive au contact qu'il peut avoir avec le plan astral qui prend le relais et qui va le désinformer. Parce qu'en réalité, les entités sur le plan astral sont des êtres qui sont encore en voie d'évolution, donc qui n'ont pas accès à la science du réel. Et tant que l'être humain est sous l'influence d'entités astrales, il ne peut pas être le canal transparent et absolu de la science du réel, c'est-à-dire qu'il est coloré en tant qu'ego et sous influence. Et sa pensée est distorsionnée en fonction de l'influence d'êtres distorsionnés qui résident sur le plan astral, qui n'ont pas intégré totalement l'énergie de l'esprit qui provient du plan éthérique. Mais lors du processus d'éthérisation, l'être humain est appelé à couper les liens avec le plan astral, à se détacher de ces entités-là et des influences planétaires pour éventuellement se libérer de leur influence, puis à ce moment-là, passer à un autre niveau d'évolution. Donc, les tests qui proviennent de l'esprit sont nécessaires, sont de l'ordre de la nécessité évolutive. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces tests-là n'auront pas cours éternellement, dans le sens que lorsque l'être humain aura atteint le seuil vibratoire requis, ces tests ne seront plus nécessaires pour qu'il évolue. Sinon, comme je l'avais déjà entendu dire un conférencier, rendu à un certain point d'évolution, l'être humain devient détestable. C'est-à-dire pas haïssable, désagréable, non. Il devient plutôt quelqu'un qui n'est plus testable, ce qui veut dire détestable. Alors, voilà, c'est ce qui termine à présent cet enregistrement avec ce petit mot d'humour. Au revoir.